Jones. Laisse filer le son, car je me laisse porter. Composition d'album où la douceur veut m'emporter. Et la vertu t'en explique toute sa pleine condition. J'ai oublié deux secondes et la tristesse et ses visions. Là sous l'attitude pour apporter le bien à tous. Sans que cette habitude ne s'oublie toujours quand je tousse. Alors je pose et m'expose, et toujours dans ce sens. Comme si l'envie m'indique et d'exprimer tout ce que je pense. Je n'oublie pas qui je suis, mais j'en garde ma passion. En écrivant mon livre et en gardant mes positions. Sans apparence, j'esquisse le tableau du bien, laissant filer ma plume dans ce triste quotidien. Et sur le gré du vent, j'en recherche cette brise. Et je tendrai la joue si elle veut bien me faire la bise. Visant de telle manière à parfois pouvoir souffler, et sans vraiment me dire que je ne fais que m'essouffler. Laisse filer le son. Laisse filer le son. P2OP. Ok. Laisse filer le son, celui qui te portera au plus haut. Et sans critiquer la vision et tous ses idéaux. Parce que parfois faire une pause, dis-toi bien que c'est bien. Sur un piano avec une voix qui fait son maintien. On se garde de bien vouloir vraiment approfondir. Par l'écriture je pose toujours une envie de te dire. Que seul on est dans ce temps qui toujours défile. Et dans la dérision sans sursis, moi toujours je rempile. Une mélodie de la vie qui en laissera mes écrits. Il vaut mieux tout ça pour t'annoncer toujours ce que je te crie. Le jour en fait mes nuits, même si j'en recherche le souffle. On m'étouffe mais on se dit qu'on ne portera pas de moufle. Malgré le froid d'un cœur qui se dit toujours glacé, on doit encore chercher ce qui doit pouvoir le réchauffer. Artistique, je te l'écris malgré que coulera mon encre. Un atout, je sais bien où j'ai jeté mon encre. Garde bien ce flow en guise de dédicace. Mais parfois le rétro t'aussi fondant qu'une glace. Garde bien mon texte afin de t'apaiser. Et parfois cela t'aidera à pas te sentir blasé. Je le donne et l'exprime pour t'annoncer le positif. Sans savoir de prime et tout ça dans le constructif. Et parce que l'écrit en fera toujours ma thérapie. C'est comme ça, c'est ma vie. Et toujours je te le dis. Garde la vibe au plus profond de toi. Tu es libre de respirer, de sentir positif et sans calibre. La différence n'en fera jamais, juste qu'un choix. Et parce que dans tout ça tu n'en construis qu'avec la foi. Sans maladie, parce que l'envie en fera ta liberté. La seule chose où se bat le monde et toute sa société. Sans peur et sans reproche, et tout ça moi je te l'offre. Un cadeau de la vie sans aucune base limitrophe. Laisse filer le son. Laisse filer le son. Ouais.